Je suis libre. Ah ouais. Un monde formidable, à notre époque tout est génial. On a même plus besoin de se lever pour faire tout ce qu'on a envie. On fait des courses sur internet, livré à domicile. Et quand je veux voir mes amis, MSN c'est parti. Tout est pourri, je crois que j'ai la belle vie. Tout est doré, plein de paillettes à la télé. On fait l'amour sur internet, on bosse sur internet. Le PC a remplacé la famille, le café ciné. Grâce à internet, je résous mes problèmes insolubles. Plus besoin d'aller au concert, j'ai qu'à les regarder sur YouTube. C'est pourri, je crois que j'ai la belle vie. Tout est doré, plein de paillettes à la télé. Je me suis tapé des filles géniales à travers la webcam. Et comme j'ai jamais une vraie fille, faut pas en faire un drame. Je télécharge à la volée des films que je regarderai jamais. J'ai 4 disques durs, musique que j'ai jamais écoutée. Tout est pourri, je crois que j'ai la même vie. Tout est doré, plein de paillettes à la télé. Et quand ma vie est vraiment moche, je vais sur Second Life. Et quand ça suffit pas, je tue tout le monde sur Alpha. Mon blog, j'en suis vraiment fier. J'ai passé les 2000 commentaires. J'ai 1157 amis et pas un seul dans la vraie vie. Tout est pourri, je crois que j'ai la belle vie. Tout est doré, plein de paillettes à la.